Ils ont longtemps souffert sous les bombes de leurs propres pères et mères, dans un lointain monde entier, face à des bourreaux bien fiers de leurs agissements, de leurs ornements de souffrance, sans penser à nos garçons, à nos filles, à tous les membres du monde innocent, victimes d'être coupables, face à de belles paroles de jolies fables, voilant l'obscurité de la réalité. Je pose mon texte ces jours-ci pour défendre l'avenir, pour défendre l'avenir. C'est trop tôt pour partir, c'est pas bon pour grandir. À tous les membres du monde, je lève mon mic, je lève ma front, que la liberté qui les touche nous inspire. Pour demain, éviter les pires, ils sont la vie, ils sont l'avenir. Perdu, égaré dans ce regard innocent, c'est dur à dire au fond ce que je ressens, c'est sûr. Ce sourire me surprend, il apaise mes inquiétudes, calme et me rend joyeux, plein d'espoir si tu me perches finalement. Il me parle au fond, si je comprends pas tout, je sais ce qui me fait, je le connais, c'est tout au bout de mon esprit, de ma tête, de son inconnu, cette pureté, ses pensées, ses questions. Je suis vaincu, paralysé, je n'ai plus voie de réagir, mais en fait, je ne suis pas déçu au fond. Il me rend le sourire au fond, il me fait grandir. Pourquoi défendre une cause si c'est pour trinquer? Mais pourquoi prendre l'espoir que pour nos enfants, une génération plus malade que leurs arrière-grands-parents? Qu'est-ce qu'on met dans leur assiette? Qu'est-ce qu'on leur donne à respirer? Que leur a-t-on appris à devenir adulte? Soit à piller, à massacrer et à faire du mal, à manquer de respect, à ne penser qu'à soi-même et à vivre avec la haine de plus en plus tôt. Les mondes se rebellent, nos enfants battent des ailes, n'avancent plus. La vie les a trahis, les parents n'assument plus. La lutte est mise de côté, ont oublié l'enfant qu'ils étaient. Ne respectent plus qu'en naïveté, foutent en l'air déjà leurs pensées, font perdre leur liberté et oublient de les écouter. Dans le regard d'un enfant, et tant de futilité. Dans le regard d'un grand, tant d'innocence sur le visage d'un enfant, tant d'insolence sur le visage d'un grand. J'ai vu rêver ce monde où existe la paix, où les arbres géants font pleuvoir la gaieté, où tout l'essentiel tombe du ciel, où les dauphins s'envolent et croient que la liberté, où les nuages nous appellent et les animaux nous parlent pour mieux rimer avec la vie et respecter au puits. J'ai vu ce monde, j'ai vu cette histoire, j'ai entendu parler la voix de la sagesse à travers les paroles d'un homme. J'ai revu ma fronde et j'ai revu cet espoir, j'ai lu toute une histoire et senti une grande leçon à travers le regard d'un homme. Cette histoire, j'ai entendu parler la voix de la sagesse à travers les paroles d'un homme. Et j'ai revu ma femme, et j'ai revu cette histoire. J'ai découvert une histoire, ressenti une grande leçon à travers le regard d'un homme.